Quoi que le monde nous sépare en deux et que les chemins bifurquent divergents, nos âmes changées ne seront plus les mêmes, portant tort nouveau loin des temps d'antan. Quoi que nos amours renaissent en d'autres mains et que la mode voile ton sourire d'art, nos cœurs jadis unis suivront d'autres chemins, leur ancien battement altéré dès le départ. Quoi que nos rêves atteints couronnent nos jours, dépassant ton éclat premier fané par l'âge. Quoi que le monde encore nous traque sans retour, notre amour ne sera plus ce fervent ouvrage. Quoi que nous prolongions nos vies ou dans le flot d'un destin calme glissions, doux et léger, le temps dissoudra cette argile, ce fardeau.